Bon anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gueli, joyeux anniversaire. Merci, papa. Bravo. Nous allons en abuser, n'est-ce pas? Malembe, malembe. Et ici, les gens avaient collaborateur Nangaï, oui. On peut bah, adopter yo. Oui. Ils n'ont pas hésité de penser à vous. Oui. Donc, Awa, ils ont livré Nangaï au recommencement dans ma présence. Ça, je crois, ils ont lu gestes et outils États-Unis. Merci beaucoup. Un jour, vous avez un combo au Bengayo. Oyo, et outils en France, na association Fati Solution. Oui, Zalaka. Dès que Zalaki, on a Zalaki. Avant, Zalaki, qu'on travaille dans ma Madame Meta. Oui, ami Benga, que Mama Fati. Ce que tant Bazongi, Meta, qui n'est côté caméra. De Bango Balongonios. Tant Bagay, ce qu'on va saler l'élection. Nasuka Bakoma qui, Maman Pauline, Maman Brigitte. Élection Leki, Bobili Père, Nasaraka Nango. Pauline Aleki. Donc Brigitte a comment qu'il était déjà. Bon Brigitte a ses pelités, a qui pour ça la yaye puis association, de par remplacer na Galate 5, Aza pasteur le colayo. Donc ce sont nazarana bango na contrat et ils savent que tout celui que je reçois au na présentaka, Aza moi na bango. Ce sont vraiment de grandes personnes et ça la cabi. Après monsieur d'ailleurs vous allez essayer de parler. Merci. Donc mais le colayo et ça n'a pas tout monko va yebi yo ko komise la oyo yebi ah oui na oyo pe oyebi ah oui voilà merci beaucoup, merci beaucoup. Donc nzambe azwa lokumu amen parce que anniversaire ko komati na niveau oyo c'est pas facile oui mais na profiter mbala moko na ndenge mozako solana docteur oui ah on a qui c'est ça erreur moko salemaka ya muluba na ka sain OK ndena lingi lelo ko expliquer pona mutu boko bauti ko tanga polo kola ba ipsanga ko robate me yo na ko ipsona ki ntweki azaka muluba te Mutuana batanga ki ozoka li solo azaka muluba te aza mubinji c'est-à-dire papa c'est-à-dire les écoles moko zaka na kasai mais aza muluba te na kasai ba luba bazali bangonde bazali bele eza pe na bikolo mususu za wana baza baluba te baza wana lokola ba mpende ba binji ba loa loa OK ba kuba ba balubate OK mais baza wana na kasai d'accord ba balubate lokola batetela ba balubate mais ba na kasai ba na kasai OK batetela bande kona yo c'est ça les anamongo banoko na ngai ba yakande tu vois ça et comme la terre appartient à Dieu non non mon payaye peut se place alala nde ba boti boti ba évoluer okay. Le quoi peut parce que comme on y bino ba anamongo ba géant voilà. Ba makasi misu makasi ndokite ndokite alors c'est là il y a la confusion ya muluba na kasayen ba o confondre au quoi ko kuta que na sala émission pour condamner le baluba là bas na bandaka na yo na bimbo au commun que même à partir de la partie politique na yo baluba guerre bandaki guerre bandaki si ko bikolo mususu oyo ce que le lingi est comme en place songolo bango moko baluba ka isko si osi muluba na yo moko asale na yo musala yo oleka bah on m'attend on a ma peka mais basa peu fier hein non ça les amoureux tutel sauf qu'inga été mawa à surtout quand mutoana c'est comme une gambo de bosson hier tu carissime et souvent bah toi notamment bah comme akai c'est comme sousso bah ben t'as la chico cou mulouba n'a se retrouvé nulle part. Alors, maintenant, beaucoup de gens n'ont compris que la confusion. Et ça, par exemple, les Balouba, c'est le plus nombreux du Congo. Simabamongo. Ok. Le plus nombreux du Congo sont les Balouba. Simabamongo. Okendo, autant que Tabarani, autant que si quoi, les Bamongo, comment vous avez dit que vous avez la Bangala. D'accord. Or logique il n'y a que zana lokola ba mongo ba ebele ba benga kande ba mongo olie ba lobaka bangala bangala voilà. Bangala tribu moko te kuna kombo nango bangala exacte exacte ça dit ba lekera bino pe maele okokuta ba mongo na ba intellectuel ebele mais okomona kaka mbuza moko nda ko makisho voilà parce que Mobutu asalaka biloko wana ndenge wana voilà. Alors de la même façon Mobutu utilisait certains Kassaïens pour faire du mal aux Balouba. Okay. Et le corps à Balouba, Balouba n'a pas un peu bizarrement. Au Gomona, Baoli et Maëlle et Azomon en étaient Baoku Misaï. Et ça, le corps là, Makaku Baoba qui est le biscuit, Azozo, à moins que Balingi, yeah, Azali, à quoi vous appelez ça pour sauter la balle, c'était à quoi. Aïe, il souba pessie, à ce truc caca, pas! Baké Goliaï. C'était pour dire na docteur que non. Maintenant, na yamba ki lobby awa. Honorable Denis Kambay, le sénateur. Ok. Na président Tario Mulongo. Ok. Le PDG. Voilà. Bango, ba lingi ba zongi sa, ki boulou ba na bango nenge zarak. Parce que la Louba, Bazali Katanga, Ezaya Bango, Manyema Bango, Grand Kassai Bango, O Batangani Kanyo Soana, Baolo Mami, Eza Bango. Si on a katoté Papa Kadion, Moutumoka Louba dit que Joseph Kabila Za Kassai, à cause de la raison? Non, Aza Kassai était. Pas le bien, on a média, Aza Kassai? Non, non, non. Ça c'est de la oui, ah ça ça y est wapi ou tuna mutuana ay bisa ya ça ça y est wapi na media c'est quand on proche dans le week ça ça ça y est et où tu es pas na été proche en onne mais Jean-Marie Kasamba aza proche na ya tamukete oh papa kadion buso bo ya statue aza nango ezali solo ope sabino aza na statue ali kolo yo ko pousa na pene na été na c'est na répondre statue moko te ali kolo zawana na expliquer que même tout le monde que télé 50 des été. Oh. Bakolo télé 50 yangona batinda ki Angel Kanam. Aya mbongo yo se kota ka yenda zo dirijango. Après ba trouble yo sare maki. Les andenge wana. Mais au fait problème au lelo. Ezo ko engager Balouba. Explication na jongo pa na yo. Balouba bazo beta na mitou hein. Ezala na église, ezala na politique, ezala partout. Yo moko to landa toto sur la sikoyo na docteur Mayele azo landa biso. Est-ce que Balouba va combattre la leur frère y attribuer? C'est là au moni PDG Tario Mulongo. Sénateur Denis Kambay. De va dire démarche que nyon soyo. Tous a dispersé. Ba belge ba kabola kabiso va réussir ça. Parce que ndenge za raki za province soyo moko ya Balouba. Oh oh katanga boye. Ya rakate. Voilà. Bango tango baye komona que baza ba peuple moko différent na ba peuple mususu baza na Congo. OK. Bato yo bayi ko réclamer. So tana ta sikona ba syndicat. Bango nde bazalaka. OK. Bato yo eza difficile so to tiki bango. Bana munoko moko kaka. Mentalité moko bakutaki bango baza structuré. Empereur yeyo si mané ministre ya boye na boye mais baza ko beka komo ministre te baza ki na bankumu na bango wana ye chef ya liboso mulopo e armé oyo boye donc baza ko beka o chindonda tous non soto tiki batoyo toko koloniser mboko bien te ba katia mounanko parce que zaki na ba arme ba belge voilà. Kasai oriental kasai occidental ba tongi kasai occidental ba tiki kasai oriental pour que oyo amona ke ngana bien na koloka nini sous ce pas ya o wana lokola bango moko balinga kambongo lokumu ba mususu ba monaki lokumu elokwa bien ok ba mususu ah biso petro ka lokumu ba sala biso bo ndenge ni yango no monaki ba trouble nyoso le kaki ba bundi ba beti ba oyo ba sali bona boye ti ba ko fanda kimia ta ba ko découvrir bango moko place ba sala biso film muto ye ko zongi sango lisusu mobutu aye komana ke kimwa kumwanza basa ki matata bazo compliqué ye à côté de sima ngouze à Carly Bond Jean de Dieu voilà ye a ke pemeni ya kyung kyung wala biso lingito chewa les pesa boy biso peto pesa yo boy papa kyungu ba pesi ye bokozi azaki pembo abandiko dirije espace wan Nase baba ni kolia Jesus oye ko sala ke ba koma ki na suka tena nguzu nguzu azonga ki so pa yamo mobutu atiki kyungu baba ni kolia kyungu walebe malembe ti balembisa yi me tikana ki ko force sur terrain là bas ba utiliser ka Jesus kaka bakatange babundi okoyoka jamais ba critiquer que non yo ça la paix l'autre côté ndaku na bango zawa salité ma casse voilà zamba na zamba ba kukata ko bongisa ngote wale zeli solote et le bon maté et le bon répété ba ko traga 10e rue ko tu vraiment tali ko na 10e rue loko ya malonga te ta na ni chi sekeri wale te akufi atonga ta building place wana te me ya kasabu bo zawa na zamba oye alimete propre Na kwa mbuto na kimbondo na bandali. Chililo. Salite. Propre. Alors, jamais bangara wakumona haba telemi po baganga. Et ce qui est extraordinaire, okuta ki egwake omer, ki n'est pas... Nebi, aza mwandi? Aza mongote? Non, non, mongote. Mongote, hein? Egwake mongote. Egwake. Donc, il faut zala mwande. Aza bakote kuna likolo. Voilà. Mais à Sangissa, Bangala, Nyons, Alba, Alba. Et ce qui est encore étonnant, Papa Kabiong, il y a une idéologie politique. Il y a une idéologie tribale. Tribale. Alba, nous avons participé à tous les gens qui ont été en train de faire des communes en commune. Tu y a Abini, Abini, et puis le message à Malongate. Abini, Abini, Abini, Abini, Abini, Bangala, tout, Sangana, tout, tout, tout, tout. Mais il y a un peu de temps à faire. Papa, tu sais ce qu'il dit? Abundi na mboko yo akoti sa demokrasi na etat de droit nde loko batu balandela IDPS ki lelo yangoa lelo IDPS a ju pouvoir c'est comme si on devait ba régime passé et bandi maintenant ko utiliser le louba voilà et bandi ko utiliser le louba pour na ko combattre et loko papa Tshisekedi atika mwana za ko continuer sikoyo bandimaka papa Tshisekedi mais comme il a tout à mwana c'est qui est bizarre tant que papa Tshisekedi azobunda pour sa pouvoir puisque akoka ko kotsa jamais état de droit et pas papa Kabiombo et pas nangate il fallait idéologie na ye moko mais là tant que papa a souki si vie na ye selon Nzambe mwana a salilit mwana tant que bandilit to bandina bino makambu ya basango awa problème était ba cheye mo konso position ba ninga nyoso lelo bazofinga ye bazalaki Il y a devant les journalistes, le groupe Abaninga Nassima. Wana alaki normal. Voilà. Et comme il y a tout, il y a un peu de Kimouloube Jaïr. D'ailleurs, Papa Kabiombo, le loi pour le peuple congolais va finir président de la République qui est battant. Malobani dit Mana Mono Kabalouba. Ouais. Mon vieux Roger Lumbala. Ouais. D'ailleurs, c'est mon petit, je lui connais très bien. Bah, moi, il n'est pas diplômé, c'est un breveté. Même Mike Mukebay. Mike Mukebay. Le loi, si Koyo. Je aime ya Mike Mukebay. Et ça différent à l'état Daniel Safou à Zosala. Mais Daniel Safou n'est pas Mouloba. Daniel Safou, quand tu as dit Koloba, dans la vidéo, na ye, voilà. Na kotia d'ailleurs, à sa gang à Tshisekedi, ceci, à commissier. mais mouke ba malgré prison à kota a commissaire na comme prisonnier à Félix na lobby na fundere mutu mususu na lobby na yo en o ekomi ko bi masikoyo papa ka jumbo ekomi ko sala somo na yebe sika to soko manayo puisque faut le belo kwango voilà en o ekomi ko bi masikoyo papa ekomi ko sala passe yango le lomoni batu soko ba ko mo finga biso baluba te yo moto zo pesa muluba wana pouvoir donc on dirait muluba asa ekolo moko asa na kati ya kongote aye ko ya ou bien abotoli pouvoir ya batu na ko même même l'église le lo soko tali pasteur le lo zo finga ba pasteur nyo sa baluba ye moko muluba on est zimingindu asimbi moko na kolobate asimbi muto moko kolobate asimbi kabundiale sa kolobate est-ce que ba pasteur musu ya bikolo mususu azo mona bangote eza na journaliste moko aloba alobi est-ce que mungala est-ce que mongo à cause de la pasteur bon désordre voilà ce que désordre ya biso ba mongo pasteur wana azo mona ngote kwa finga pe non non donc kaka muluba nde sika évangile baby na betelo li solo moko terre à terre papa kadiombo oyebi wera na jibem pia natamba bandi ba konfina ba ngwa musique ouais non non ba baiba kateke bandeko basi ba koti na sima wera bandeko banuba bandoka tsamo kaka lokula za makamba ba ngwa musique mais tant que vous avez un commis danger, vous avez remarqué qu'il y a une Kassayenne aussi à qui n'a pas combattre son frère. Tchalamouana. Lelo, tala bagarre. Oh, Lelo Félix Azobunda. Lelo, tala eno Jean-Marie Kassamba Azobimisa. Pour preuve, Lelo, tu vas au constater, je vais vous dire Alexei Moussapi Awa, dans le lancement 100 jours, n'échangeait pas limité. Parce que Alexei Moussapi, par rapport à quoi c'est que Fachia Yoka Makamsou, c'est le Kassamba, oh, Lelo, peuple, bah, yokate. Lelo, tala eno yongo y Kassanja Azobimisa. Après avoir causé la 12 ans, gouverneur, oh, il a appelé Satan pour les opéra, ah, t'es dans le studio, on a bissot. Appelé Samote. Mais Lelo, tala haine, oh, yo, Azo dégagé. Le lotala mama chala mwana. Le lotala Claude Machala. Le lotala batunyo sowana. Bagaro siko le lo arme na bango. E baluki skwe pa evèque. Kanda ya matata. Place yo tokomi siko yo. Siko yo tango evèque azo bunda. Ne place yo kotyo zwinga siko na maloba. Na kuluto docteur Mayele. Evèque azo bunda te pona muluba. Po evèque tanga soutena ki kabila. Ala ki muluba te. Parce que tant que je suis soutenir l'institution, le président de la République, je suis Mouluba. Je vais signaler que yo suis en repos à Mouluba. Mais ce que tant que je suis soutenir, il y a un na kata motuka. Bacheli et moi, Mouluba. Bacheli et Nzembo, il y a Balouba et Zobeta. Ou il y a Bayouda du Congo. Lukuta. Et Zobeta na kata. Pour sentir que Mouluba. Mais on voyait qu'on remarquait même Balouba, Moussous. Attends, il y a un Kassamba. Tant que l'on a dit que l'on a dit toujours ça la sonne n'a pas. Non, c'était de l'hypocrisie. Il ment. C'est une façon de faire montrer na batu ou démarcher FC Sazo Sala pour déstabiliser Fachi. Papa, regarde où tu vas. Batu, tu vas marcher à Washington. Batu. Mais va passer à tout le micro. Maman, tu vas aller à Chilouba. Mais j'ai pas compris. Génie, ni oyo lelo bazoluka ko sala vis-à-vis. Est-ce que le Balouba est-ce que Bazaini? Est-ce que vous comprendre le lot qu'on perdre Fachin à pouvoir quel est ce Mouluba après 20 ans à quoi après 20 ans, après un siècle. Après un siècle, je ne sais pas. Voilà pourquoi mon ibiso. Nous sommes des Congolais. Autolini Mbokanabiso, le lot toujours ça, le lancement, papa Kadio Mouyaloba, soutenant l'institution présidente de la République et aimant notre pays. Tolinga Mbokanabiso. Papa. Et je suis en train pour soutenir les institutions fortes, appuyer un homme qui nous amène vers les institutions fortes, le président Félix. Je suis en la façon tout. Et même si Kaoyu Ngaï, il fallait na telema, na continuer na ndenge na tangi, ba blokanga. Voilà. Et tant que vous avez un solo là, Moutou Oyo, Azala qui coûte un solo effort, Naleka, Azala abandonne. Voilà. Mais Ezana, moi, si mon corps n'a pas eu le temps d'aller parce que ma personne est lobby, il y a un solo lingomba, tout trois, il y a un loup, il y a un lekati. Quand tu as un vieux, il y a un billet, il y a un lekati. Oh. Je te dis, Je te dis. Et bien, il y a un ignorant qui est un universitaire. Baba Luba. Oh! Ah. Quand on a un ignorant, hein? Il y a un il refuse forcément. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Et maintenant, les autres sachant que les Belges avaient utilisé ceci et que ça avait réussi, ne pas utiliser Tilelo. Oh, bah, le bar à la psoe, Mouluba, quoi, ça pouvait être papa Simon Kimbang, le bas, c'est papa Dianguenda. Mais le lot, Mouluba, zui, à quoi qu'il y ait un Bayembi. Mais qui ne t'a dit pas, Wangana, il est profession. Voilà pourquoi Moni Félix est un politicien lié par son sang, non, lié par le sang de son père. Aloba qui a lobby, je ne suis pas le président de Luba. Voilà. Aïbi Kilti. Ouais. Je suis le président de tous les Congolais. Maintenant, les Kabylie, grisés qu'ils sont, bah comprendre Babi, non, non, non. Pour te combattre le pouvoir au Malamu, il faut utiliser ma propre indéconaïe tribal. Tout ça, tout ça, Bango Liboso. Va combattre. Nous sommes dans mon Zamboka le 13 décembre de l'année passée, a lancé premier discours sur l'état de la nation. Mouika Sanjalobi, non, non, non, non, bah discours et concrétisation. Mais na une année à Moutouya a critiqué. Na 12 ans yaye, a koke lo batte. Na 18 ans ya Kabila, a koke lo batte. Nous sommes la personne de Jean-Marie Kasamba. Le lot a inventé Kabila na tout. Oyope et l'eau comme Malonga et Salamité. Mais naïe bagapé statin na yete. Donc quand moi quand Natella lobi vit mon statut, na koka e koya te pona sera blessé, na la personne ya évêque. En tout cas papa kadu moto bon sa statut. Pour le lot comme comme une statut hein. Non non statut ni. Mais biso to ça ngote. Papa. Statut ni. Radio top Congo za lu sakwelo. Mais on est télé 50 za ya plus mo bilo. Télé 50 pays ayé. Congo web. Eza ya chabani record. Télé 50 eza ya Kabila. Oh, oh nin. Y a jamais eu Kasambate. Oh, yo soro ka babenge PDG. Masana la, ya uti nambongo na ipoto. No no, oye biso okumbi mutuka. Mututo ka risa kozana mbongo zole. Oh, tu vois ça? Ezana batu mususu. Justice o ezako lu kosambisa bat. Ba uzobango. Ye ka risa ki soki a fraude photo aya kache leba chaka ngoma be mutu munene. So on dit parce que terre na biso Kevin. Mutuza muke na mbetu nega la raki. Tele ni voya motema makashi atako bolobi baluba nini bazo sala awa. Yenda zo fing sa baluba. Yo sala emisyo kende kutune ye. Pesa precisio pa na binu za wapi. Village nini kende na biso kwa lakisa biso ke. Ye aloba ki pa. Amosa ki siru papa ya muko na tout le reste. Oh yebi ya ke poto na 80 ki kurana mayi na kongote na kinite. Boulevard, il y a qui c'est le papa Kadiombo, on a botami musika, musika, musika na bino. A quoi ça n'a raison te? Papa, voyez bien. Au moment où les musiciens sont sous basaki, ils sont pas musiciens à mon aîné. Yo, l'ingé la photo combi. Ah, yo apprête. N'apprête, non, si manga. Soli sangara. Bangoana. Parce que n'enga zawana. Na yo kakatanga tu nisusu chalamana te. Chalamana zaki patronu na ye. Kasi luka nzembo ya multiprise. Ouwa asa kuna nakati yeti. Ah bon? Asa ki danseur na yeti. Danseur? Bungo sani. Don vya ibo bina denga sawa. Oh, makasi. Yo mwana kiteke basaka kakati ya bakonseri, bakonseri. Eza reflexe. Ok. Luka. Le sang reclame. Au monde, Zola na banquette, Chilimu Chakara, le Toka Pete, bien tout ça, parce que c'est lui. Alors, Soki Balandeli Bat, Ngaï, So Balandeli Ngaï, Mabogo Pembe. Mais fait que Balobi prochain tour, et ça, il y en a beau Sembena passé Guili. Mais il faut que je la vidéo, tu es bon pour que je m'appelle. Ça, on a dit vidéo, il va se faire ça qui est ça, mon coup. Et ça, vous oba. Garçon, à ça qu'on a sa mouana mouki. Un, deux, moukou la zamou nene. Mais ça vient de rien. Petit à la zamou qui est. Et puis, panneau moko, pour aller avec sa sexe, maman caméra est télémi. Image, j'ai les sous vidéo, et comme une photo. Tu vois ça? Voilà. On a vu ça. Papa. Chez Béaba, chez la qui était bakapote. Bakapote, n'a pas place, il y a ma maman. Il y a ma maman. Nakati. Dieu m'indongale. Voilà. Va y aller à la capote. Ça va tout le français qu'on va voir, mais ça méthode. Alors. Et voilà. C'est Jean-Claude Muyambo. Muyambo. Frank Diongo. Même chose. Il y a un vieux Nangaza, on a un maître Nangaza, on a un sécrété, un militaire et un mur en Katalopan. Militaire, une arme. Une arme. Un sécrété. On a un œuvre, il y a un Alexis Tambou Mwamba. On a la petite chemise à peu, mais la cravate noire. Il y a un peu de temps, il y a un petit là. Viens, Alexis, on a un lien à Yoko Kokate. On a un bébé Simonoko. Si quoi sur la liste français, la soit qu'on explique, n'est pas maître et honorable Frank Diongo, bas sécrété, bas militaire et bas sécrété major. Voilà, officier supérieur, officier supérieur, député Oyeba, officier à cause de la yo moko. Vous êtes 10 pour vous maîtriser, Zaka, pas si, mais y'en a pas tout de voilà, bas sécrété, Sonia Nivoana. Vous comprenez? Sonnez à ma place. Aujourd'hui, ce qui président Félix, à l'objet, nous sommes en train de faire des choses. Bako ganga bako loba, nous sommes en train de faire des choses. Mais nous sommes en train de faire mais entre nous, vraiment, tako maye les zangi. Selon la loi, Kabila Kotikala jamais comme candidat président de la République. Quand Balobi na 2035, Babito candidat papa Kadiombo. Na 2035. Na 2035 Balobi akozonga. Akozonga. Vous êtes tombé morti. Yemoko na window Kalobi devant ses pères, je ne suis pas venu vous dire un adieu. Ma bientôt vie. À bientôt ils allent en naissance mibale. Oui. Soit Balobi à bientôt na koyel su kotambo lawa, to koya ko kimelawa. Ah OK. Exilité. Mais oui. Pour ceux qui n'ont pas ça, ils ont intérêt, il y a qu'à respecter mon conseil sur place. Les choses ont déjà changé. Maréchal Mobutu va y aller. Kende la bopete. Tika Tshisekedi va diriger ma kamboyo pour sécuriser yo. Ok. Zamboko. Terre. Mbanda. Zamboyete. Voilà, vous savez, nous nous savons. Qui est mon père? Oui, moi j'ai bien. Mon bout de Maroc. N'est-ce pas que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit majorité. Majorité, ça. Mais ça, c'est lui qui dirige l'institution. Je suis un homme qui a été dit que Félix a été dit. Kabila a été dit que il a été dit que je suis un homme qui a analysé mon cause sans que vous posiez la question. Tout dans le secteur par secteur. Oui. Tant que l'anga ba na domaine ya hôpital mama yemo clinique linoise ngaliema hôpital ya kitambo sanatorium abongisi modèle na lobby na yo papa Kadiombo ba tufo ba bongola mitema na mboka na biso e ba tufo ba banga nzambe koleka na media koloba makamu susu pour l'individu Joseph Kabila et la nation congolaise faut en andoki léo ouais. Ah oui. Il faut aux alanandoki. Ah oui. Pour un état d'esprit normal. Mutuloko la kasamba. Mutuloko la ngoi kasange. Mutuloko mama chalamwana. Le tous ces mondes là. Le vieux Alexis Tamou Mwamba. Ko leka lelo ko zo Joseph Kabila, c'est la haute trahison. Ko loba eloko wana ke Kabila sali. D'abord, papa Kadiombo. Bato nyon so mon loba entouré Kabila. Le 26 janvier 2001 ba la kate. Chancelo Opamba. Bato nyon so moni ba entouré. Ke chadar ya biko sirko. Muta aussi mba yote paralysé mboka. Le 26 janvier a la raté. Bato nyon so ba ye makambo tout bazo sala wana. Baza la raté. Bato yo ba sali Kabila. Ako malelo. Beaucoup sont partis. Ouais. Baza te. Pourquoi? Pour na ko efface trace ya débit. Ya entré à pouvoir. Pour na ko efface trace. Batou baye. Moi je suis de l'Équateur. Bangala ba ebinga. Na hérité makila tata. Na bo mama na botami pe na ba Congo. Na zape na makila na bango. Mais lokola biso to la patriaka, makile dominé mingi kota ba papa. C'est bon. Mais na kenda kapé pa ba Congo na kuti ma oncle na kuti kokoba refsinga kolele fioti kakenge yengei. Donc soki muta ebita kamwepe. Na beti yango peleki. Le problème est que nous avons Kabila. Bazoli n'a pas eu sa Kabila teke, tana yu seleki. Tolali na tongo to la muki, mutaleki na télévision, bibo moni teke no Kabila populaire na chango bayambi. Mais à où t'es qui wapi papa Kadiombo? Mzela mm-hmm. Oya le kelaki abandeki ko bimele sikanini. Uh-huh. Makele le place abandeki ko bimela toyo kite. Uh-huh. Toyo kika makele na changu. Mm-hmm. Zunga. Mm-hmm. Zunga. Et après changu to moni sur place mon côté. Asa très populaire. Et voilà. Si ko soki muta za très populaire. Mm-hmm. Apesi mutu na yebo voteye. Mm-hmm. Mais le Shadar inda sa président de la République. Mais il a échoué. Pour preuve papa Kadiombo, même FC Sol le loi Zoloba. Mm-hmm. Ensemble des hypocrites. Ouais. Bah voter même Chadarité. Ouais. Bah voter Aïté. Bah voter. Pour preuve, bah outi n'a mboué la loge. Mm-hmm. Bah kena kinga kati, bah keko senga kabila pardon pour te voter Aïté au bon salon en 2023. Mm-hmm. Et le loup si kotan ou batou moussou sou bazo leka, bazo loba. Mm-hmm. Est-ce que bazo comprendre que. Et loko le peuple congolais raté pendant 23 ans, mm-hmm. ya kabila, mm-hmm. le père, na fils, le loup pour te récupérer moussa blaguité. Ouais. Batu boni bakufi na kati na reine na bango. Mm-hmm. Démarche ya papa évêque eza noble. Ouais. Nous soutenons pas la personne évêque. Mm-hmm. Mais biso tozo soutenir l'idéologie ouais. Ou papa évêque aza nango. Et puis pardon. Na moni idéologie ya papa évêque eza idéologie yo eza la ki a Coutinho Fernando. Lokola Coutinho Fernando wa paralysa ye. Nzamba sistema mususu. Mindu ki bakangaka tata na nga Coutinho na biwe kenda wavi. Armée, ah. Na lobby na yo basa spécialisé na mensonge, ouais. Na montage. Voilà. Yango lelo moni Jean-Marie Kasamba, lelo petokolo ba ke babilo ko nyonso bimaka na réseaux sociaux c'est Jean-Marie Kasamba. C'est possible pour attacher fait. To ki pe ko lo ba yango? Ouais. Pour ndenge nino ke ko jola biso image ya Kevin, o kangisi yango na moto ya Vital Camere. Lelo yo ba maître Gabriel Lulendo basa wa pipo ba traduire yena chez. Non non, wana etali bangote. Ah bon? Il était le bazaba avocat juste pour soutenir Mouyibi. Donc, bango bazaba c'est la carte des 11 caméras de la vérité. Attends la Félix. Mais oyo ba titoyer mon conjoint est parti na bango ou on a problème te. Le loto fandi papa ka de moto na mukasa medi mukolonga na osepela mukolambo tama balancer avec. Talanga mwana yo poa ona na moto kende tout droit au but. Est-ce que na kosa la bêtise à bongo na motoka? Bon, à combien plus fort ta raison levier? Na poignée de la journée. Ah. Et puis, na kata lopango. Voilà. Zali, na lopango. Na moi, na foi lopango na foma. Si vous m'avez dit, Ali Banda. Azali Banda. Ali Banda. Mais si vous avez la caméra, moutou moko, azana katia moutouka. Voilà. N'a zozo à prise de vie. Voilà. Parce que ce qui est la Kazaki, Libanda. Ou tu regardes tout mon vitre, voilà. Ils ont mon difficilement. Mais ils ont la carte à moto. Et puis ils ont filmé, ce n'est pas la femme qui filme. Ils ont le voir à moto, ils ont filmé. Et directement, c'est-à-dire, Moutangwa Sele Makambo, il y a le Sikobo. Et puis, à Yébis, moi, filmé un gars. Filmé un gars. Namoy. Na lupa et puis on filme et longa moi si et bimé l'action té et longa moi c'est que gobi masko na photo ya ngomona réseaux sociaux voilà malchance ne kongo a kole sika o yokoli na katanga atikali ko yeba papa vérité tout ce qui se passe ici na mboka ayebi na ngote mais yende mutu babimisi photo babi botala mutu ba lakina avec Pascal Mukuna yeyo le vrai problème est ani ni papa Kadiombo na ko yebi sa batu vérité le lo ce qui bato kabila ba ocha tembe Bakende qui ko corrompre papa avec na 5 millions andima azo 5 millions atika lit pourquoi oui aboyaki aboyaki bitumo nyo se bimi po yamba ki bana muse na ndaku mais oui Ibrahim na Etienne basololi ne sika ba problème nyo se bimi bobo voilà et loko mususu ba poto boma actualité ya Alexis Tambwe Mwamba na mama Bijou Goya kitenge to betelo koyo comme ça ba tunyoso ba ko kende na ba focaliser wa ba tiki Ntambwe bêtise à ça là. Na lobby na yo papa Kadiombo balle de match au FC ça raté. Donc à comprendre que Azan a buté na match. Bien ça te. Il y a monité que Azan raté nyonso. Nyonso. Oh to ça là congrès. Raté. To bombardé avion bagarre si Félix Azan a Azan a raté. To ça là ta kuna na S bwana boy raté. Si ko na zo la kabango. Biso to na nzombo. To bombi nzombo. Non en deuxième minute. Na lobi na yo nzombo na prolongation match sili oyo bango ba raté ba regretter ngo kalaté kalaté ba regretter pourquoi nous sommes entourés de sorciers est-ce que ce qui FC Sala qui na coalition vraie sincère na cache babiloko ba sali Félix est-ce que ça vrai papa retiens ceci. Le président Félix aza na kombo ya moko moko moko traître o aza pembeni na ye. Oui. Oui. Bango akalisa ka eza yuma. Mais aza na patience. Au moins pas sagesse ça va Salomon. Voilà. Atali kaka. Atali yo atali yo. Soki na gangi gangi awa. Bako le juge mabe. Voilà. Pesa mbeli. Na ina kata bon. Nesika ayeba ki ke oya yo azali ki na mwana 9 mois. Nde mo tabi. Passe. Voici Kaye, Namon et le gars, ta moussi, Moussika. Mais oh, il y a le cataract. Ah, vite. Sur la carte, à vous assurer la bonne. Voilà. Salomon a tel bien. Yayote. Yayote. Maman, Namon, on a beaucoup. Allo, baboui. T'es maman, tika. Yosoman, ok. Tende. Bande de match aux autres, Bayawan. Voilà. Félix a déjà tout. Moukola, comment t'as la carte? Milelo. Oyebi batu mususu ya ba député ba komo flatter hier. Bazo banga aboma assemblée nationale. Mais ça peut musikate. Papa Kadombo, na so yebisa yo vérité. Le lopo facha travailler malamu. Il fait le bonne pour ça. Mais akoka iko sala ngona député. Batu fo ba ide loko moko. Le lota mo ba lo ba na so na téléphone yo kutana kanango. Yende loko ma bendenga kenda iko sangana na Kabila. Umone nga sangana na Kabila ndi ya mumuni bisoto ba ye muki. Po bisoto lingaye, il faut kabona na Kabila tinde na CPI non. Non. Même ata soki bemba ya kana ba militaire to soli nango semaine passée. Asale loko bemba suka. Bemba suka place nini. Siko Martin Fayulu mutoko tazalaki atana secrétaire général à parti té. Alaki atana siège té. Ndé mtanela contre carré, il fallait Félix en a pouvoir. Mais Martin yango président élu. Akangami na mboka mpa. Té bazo kota banzela na États-Unis, ba dit que États-Unis mtapé ça va pouvoir. Bazo sala songi songi makasi kuna na États-Unis. Na yebi. Bazo sala songi songi. C'est pourquoi Martin azakuna katumbi kuna. Azakuna bazo tonga Félix bazo tonga mboka. Siko yo foutu na bango tonga bango ba tonga mboka. Intérêt na bango na Congo eza nini? Papa Kadombo, lelo tango batu baganga ki ke Félix a ke kozwa un avocat camerounais ba congolais baza. Mais est-ce que ba congolais balingi mboka na bango? Ba congolais bango moko o na bango. Christian Meya a fingi chef de l'état. Ye moko azonga asengi boli? Asengi boli mbisi. Tala ndenge ba kunyo sezo rate. Ezo na solo bana yo soki FCC a négocié pour pouvoir na Félix, ndé vérité c'est bimaki. Le lota la mamba vérité des signes ya la souter. Le lota la makamu souter te to bimisa to ke na ku. Ya la ki souter. Bango basa champion d'intimidation. Soki ba intimider ba ici Félix ba bibo. Awa to négocier mamba este. Tika makele la pa pamba yo pe zo kota na yo bitombe continuer. Ba mesa na bongo. Félix a bino. Allez ba intimider avion. Comme ça toi Félix Amoni avion na jeep blindé bungi. Na zonga sim. Ba moni muta foncé. Et quoi mon boulot? Siko na minute on ngeto ça. FCC place à ça. Il a comprendre que non peuple ça n'angaté. C'est tout. Papa Kadombo, na yebisho mobilisation évêque adjui. Na lekina yelobi na ndako. Na biro. Mobilisation adjui. FCC ça comprendre que non a raté match. Ouais. Siko et passif. On est pas loin d'ima. Ba tutu aboyi video. Ba boyi yango. Ba boyi yango. Ndeo yo Brigitte Ngoy ya lobi. Tambo mamba ne sait pas voir les signes de temps. Voilà. Siko yo, ba mama FCC. Nangai ba mama FCC. Ba mama FCC, ba yo ki pas cité ya bo mwasi, mais ba kote la Alexis Tambo mamba. Ba yebi si mouninga la ba mo mwasi, ba di non non non non non non. Il fallo se la ba pesa yo maloba. Pour o répondre. Président à Sénat. Ces commissions diraient, Makambo et Alexis Tamoumbalobaki, il fallait le bango na place ouane. Est-ce que Makambo est concerné Sénat na nini? Voilà. Est-ce qu'il fallait le bango na place ouane? C'est une vie privée. Vie privée. Après le bango, le lot avec évêque Pascal, Assalam ou Assalam, Papa Kadombo. Batumusu le lot baole kanabatele bazoloba. Banda outa poto aya basale les chaînes. Omona mwasi naye. Mais ayoka Makambo bakinwa baibi ponaye. Ayoka makambo ba kinwa ba yebi ponaye to za ba yu matin to yebi ke ba tumsu ba za na force à cheval 4 atandara bango bo yemoko ba kinwa to yebi makambo to ba tumsu ba za la ki ba ministre a longo na affaire étrangère a sala bo a sala bo a sala bo moi na te moi si te me spécialisé na eka ba ramasse a tonga banda kwa tika bongo ko kotaka wana vidéo te mais o ba moni vidéo ya malamu et puis ba bimisi on na mama mabe. La maman est veut qu'il y ait mon corps de na yebi que vous êtes spécialisé dans le montage. Trois jours après, Bagnati. Bagnati Ango. Sonika Kate. Sonika Kate. C'est ce que je me rappelle du Christ qui dit ce que tu as fait, fais-le. Je serai sacrifié dans mon toyo, tu vas dans le logo. Nassani. Donc, et le colélo, c'est ça la FCC. Et ça, Sony, il y a qu'on perd le pouvoir. Mais ce qu'il faut comprendre, Kabila y a un pouvoir. Le lot de FCC, Zolinga, a s'encaparé, mais le colélo, il y a un peuple congolais, bah, surtout cas. Mais Kabila y a un pouvoir comment? Parce que les gens pensaient même que, Awa, colonel, il dit qu'il y a un message. Hein? Et ben il y a un militaire pour pouvoir. Awa, tant que sous ministre tel et amunene, tant que sous kakouji, tant que. Mais ça vous connaissez, tout le monde est ministre. Oui, bah général, il est tcha, tout ça, tout ça. Tout parce que tout le temps, moi, Kabila, Joseph, Fred Serman, Yankyo, et puis bah sous-estimé. Voilà. Et comment qu'il y a un bon drapeau, le Warakit. Ok. Tout le monde est en habit. Allons-y, on a pété. Et nous, on oublie, on veut aller. Mais n'ayez pas de bon nom. Je ne sais pas comment on a mis le soutien. Oh. Bah, comme il y a un nom. Bah, Congolais, non, so, au coquille, on a mis tout en soi divisé. Sans que Rwanda, l'équipe place, voilà. Bah, comme il y a un nom. Démarche, il y a évêque, démarche, il y a Christian Bossembe, démarche, il y a papa Kabiombo, démarche, il y a Passe Gili, démarche, il y a Baninga, nous sommes tous les autres, nous sommes là. Voilà. Qu'on fait comprendre la peuple congolais, ça c'est notre terre. Ouais. Papa Kabiombo, jardin Nabiso Yamboka. Ba parka salonga, yo yebi ba kote wana, ya ba garamba, ya ba kaouzi biega, nyonso yangwa nezana kenga kati. Vrai Congo, yangwa nezana kenga kati. Voilà. Parce que ma ben oyo, papa vek, azo sala comme démarche, ezani. C'est une façon que le baké, oye, opie biso, nyonso. Oboto le biso, nyonso. Mbongo, ya biso. Ata le binde konanga Christian Bossembe. Na yo kakiye. A le baké yango. Le lo siko, kaka biso. Toke, to banyo ke fou kamela yo. Pesa biso mbongo. Ce qui n'est pas possible, hein. Pia biso mbongo ko. Pia biso mbongo. Papa Kabiombo, le lo nana azana FCC. Azana mbongo ozo azana mbongo. Ah! Le nom de la FCC, Azana Fortune, Oyo Baba Janet Anango, Soidada. Oyo Azanango. Kabila ne le calcule pas. Le nom de bateau, Nyo Sobaza sanctionné. Napoto. Ndekoni na Kabila a sanctionné. Mon côté. Kabila ne le calcule pas. Le problème est que, Bangonde Batu, Bazo Sala Kabila Zala O Kabila Yali, Kabila Koki jamais copé sa moutoumou la FCC pas sa nom. Tant que Kabila Bimisagi Chadari comme candidat à FCC. Est-ce que Chadari a l'équipe pour la FCC? Est-ce que Kabila Tengu a pensé qui Obin mina coup primatier? Obin, avec qui brillant? Président de l'Assemblée nationale. Ah, voilà l'Assemblée. Avec qui brillant? Le vieil Lunga Ilukamba. Tengu ba pensé primatier. Est-ce que FCC, avec qui n'a pas le lois en Angola, y'a que ça, maman, on boke en Angola besoin? Pas du tout. Pour nous dire que Kabila a besoin de Bangote. Bangone, le loyo est si kao, papa Alexis Tamou Mambasa. Maman Bijalo Bakiango, est-ce qu'elle a mérité le cause à la présence Sénat? Pas du tout. Na oyo nyon soit sali na mboka na biso, vit son poids. Eh, ou réputation, makamboutou, est-ce que le loi a mérité cause à la présence Sénat? Mais ndio ona Kabila Luki? Aluki, tende. Atié. Makamboua mabe atié ango. Je me demande, le loto a lobi qui na liki na Sénat pour laisser mes preintes. Après, t'as tika na faire étranger et zawapi. Oye gangaka. Ma preinte a tika na justice et zawapi. Oye gangaka. Ba printa tika partout donc parfois printa ninga yiko tika na mama ya laki prisa sena mo konzambo ka kufaka et ça printa makasi hein papa Kadiombo na alaka nanga prisa sena mais na mama nanga ni mo konzambo ka kufaka nde nga na succeda kai pour 200 ans que président de la république et ko pikosa la printa makasi yango no moni a su courage ya koloba yango est-ce que le lo FCC bazoka sonité koyoka Jean-Marie Kasamba koloba ke évêque tous les professeurs Bouchab a pesa kayombongo Bouchab sage intelligent qu'il est levier a dit kokot sanga na basal bêtise wana te mais il est de l'FCC ouais a boyango mais écoute ouais ni le professeur Bouchab ba sabota en FCC oh longo la candidature na yo na lobby hein tu kanta mama baza pas kadombo même congrès au tolobaka excusez même congrès au yo so tolobaka sala ce qui le lo fachan dit même congrès sala FCC ça kanta te ka bi majorité rien. Pour preuve, élection, il y a Bahati Lukwebo avec 13 sénateurs, Mabimana a 43 voix. Ajoa yango wapi? Abimana yango comment? Ajoa yango nakati. Batu nyonso ba na kata FCC. Vous pensez que Bazad d'accord na Alexis Tambo Mbamba? D'ailleurs, il n'est pas du... Il n'y a pas perdu? Ouais. Asa pe perdre te. Asa na partite. A na partite. Mais c'est retrouvé à Kaka. Donc lui il est plus fort que cet Yale. Chargé aux affaires privées du maréchal. Voilà. Donc il y a une clause privée na Joseph Kabila. Exceptionnel. Eh, vanda na mtosale lo kwazate kende kuna. Moi c'est Kabila, bata pe perdre ballon wa kuna. Auti Burundi. Auti Burundi. Lilo tolo batolo baté. Papa ka du moto vandiawa. Makambo 15 millions bandi ko lobama. Makambo mariage à 1 500 000 dollars. Il y a un mariage à Balamba ba cheval, Balamba ba hirondelle, ba hibou, ou il y a un nakate, ba gorille. Non, la canisi, à Tindaki batouna osea, ba zui baleine, ba zui na ba hippopotame. Au moins, il va zou peser, hein. Voilà. Au moins, il y a hippopotame ou quoi. Alors, papa Kadium, mariage à 1 500 000. Est-ce que c'est le premier mariage à Vital Kamerhe? Est-ce que c'est le premier mariage Yamosi ou Yabalaki? Ce que nous avons dit, c'est tout un problème. Est-ce que Esika Veka Balaki a dépensé 1 500 000? Est-ce que Esika Mama Wana Babala Bala Bala Bala Yé? Est-ce que va dépenser Bambongo Wana? Le lot, ce qui peuple congolais à l'Obango est commis problème. Non, non, non, tu comprends la vérité, tout ça. Bissot, tu as soutenu le lot, ce qui te l'a dit, c'est pour la démocratie et le progrès social. Le lot, ce que ça a souhaité. Tout ça, c'est une idée pestée. Le lot, on peut perdre la Toalanda qui est parti pour la reconstruction. Tout le monde va tenir le comme côté. Le lot, on peut perdre la Toalanda pour la Salanine. INC, alors qu'il n'a pas besoin de tout le pouvoir. Tout le monde au Brésil, tout le monde au Congo. D'ailleurs, Vital va bien aller là d'Afrique. Le lot, tout le monde est en côté. Mais, j'ai dit comment, ma belle, parce que Lula, ça, la prison. Ah, ma camoulanda a raté, papa. Le lot tant que bandi ko pousana. Est-ce que le lot société nini Jean-Marie Kasamba a coqué ko tele malelo aloba que voici l'œuvre de Joseph Kabila. Immeuble intelligent passerelle alimentée. Yango wana. Mais le lot celui tobi maréchal Mobutu. Les sorciers pour les uns. Oh le lot va tuba cloué na quoi. Mais parler du peuple le lot Alexis Tamimamba ngabo mela mama bijou. Construit par qui? Mobutu. Pont maréchal construit par qui? Les sorciers, stade des martyrs, construit par qui? Mais le lot après 18 ans. Attends, mon papa Kadio, mouka yandenge nino. Tout le monde, Joseph Kabila, n'a pas idée. Il y a le 26 janvier 2001, il a prêté serment. Le lot, multimilliardaire. Sinarambo. Le lot, tout le monde, il a joué. Moussa Nizowa Sali, 10 ans. Et le comment mon gomme est habité. A longue député l'ensemble le gouverneur à Kalemi. Mais le loup a œuvre et ça va forcer au gang.